Utilisée dans le code de la route, la couleur rouge symbolise le danger ou l'interdiction. Ce feu circulaire rouge clignotant est destiné à interdire momentanément la circulation à tout véhicule. La barrière est presque inutile dans la mesure où le feu à lui seul interdit de passer. Dans ce cas, il faut se laisser aller au bon réflexe, ne pas écouter ses petits camarades, mettre le pied sur le frein et s'arrêter illico presto. Réponse